Le porte-parole du comité des juristes coréens a publié le 7 courant une communication contre les démarches qui deviennent de plus en plus frénétiques en cette année des réactionnaires japonais pour étouffer l'éducation nationale démocratique des Coréens dans leur pays. Elle indique notamment « Le 26 janvier, le tribunal local d'Osaka a proclamé une décision injuste pour justifier la mesure des autorités administratives locales qui ont exempté l'école coréenne d'Osaka dans la liste d'offres des fonds d'enseignement et rejeté la juste demande de l'école coréenne qui a porté plainte. Cette interruption des fonds d'enseignement pour l'école coréenne est destinée à exercer la pression psychologique avec les charges financières aux parents d'élèves, voire à les séparer de notre République et de la Chungnyeon. Les enfants coréens au Japon sont les descendants des parents qui ont été entraînés de force au Japon pendant la colonisation de notre pays. Et l'école où ils travaillent est l'établissement d'enseignement national autorisé légitimement par les autorités japonaises. La dernière décision du tribunal local d'Osaka est un crime anti-humain et anti-humanitaire, contrevenant entièrement même au traité international des droits de l'homme consistant à assurer les droits d'enseignement égaux aux étrangers. La démarche des réactionnaires japonais pour étouffer à tout prix l'enseignement national des Coréens dans leur pays rappelle les crimes ultra-géants commis par l'impérialisme japonais qui avait fait tout pour supprimer la langue, l'écriture et le nom des Coréens dans le but de supprimer la nation coréenne. Jamais nous ne tolérerons les menées contre notre République et la discrimination nationale des réactionnaires japonais qui embellissent les crimes commis dans le passé à notre nation et se conduisent témérairement en proie à l'ambition de régression au lieu de présenter excuses et indemnisations pour les grands crimes du passé. Les réactionnaires japonais doivent interrompre immédiatement l'injuste discrimination envers l'enseignement national des Coréens au Japon. Sinon, ils prendront la responsabilité de toutes les conséquences qui en découleront.